Attends. DJ Booge. Alors écoutez, c'est quoi les Ruffmeurs? Le deuxième morceau studio de Despo Roots. Chez Shadow, dernier messager. Roy, Bangalo. Pour des bricoles, le Colt sort de sa housse. Abafra mon continent, militer faut que nous continuions. Pour éclaircir ces trucs chelous qui se passent en JAV et qu'on nous cache aux informations. Buter les quinfres, voilà à quoi sert leur formation. Les baveurs s'additionnent et ressortent sous d'autres formations. N'agis pas pour ces crimes, on est foutu. Rien à foutre des conséquences vu qu'ici c'est foutu. Puis camoufle leurs méfaits, façon scred après la rue, le tier casse et au commissariat qu'on crève. Bref, pour un rien, le bleu sort le chromé, négro. Trop de crimes acoustiquement commis pour une garette si. Regarde-toi, fini ma commé. Enfin, ici, c'est trou de balle, le trou de balle. Mystique sont ces incidents. En Occident, on meurt trop, c'est pas des accidents. Les refs meurent trop bizarrement. Ici, les keufs mettent trop de mise à la menthe. Trop de questions sans réponse dans les clichés. Tout est flou, hein, du bluff, la vie pour trop tricher. Les refs meurent trop bizarrement. Ici, les keufs mettent trop de mise à la menthe. De ces pavis au fond un éclaircir, plus du tiers. Ça commence en GAV, ça finit dans le cimetière. Ça commence en GAV, ça finit dans le corbillard. La justice n'est pas stable ici, c'est encore le billard. Un flic tue, impuniment, on lui retire son poste, c'est tout. C'est ni plus ni moins. Ok, on ouvre souvent nos grandes bouches car. Mais c'est pas une raison pour donner raison aux bouches car. À croire que derrière tout ça, y'a un parrain. Vu qu'ils veulent nous supprimer, tout ça, parrain. Traqué, menotté, matraqué, ce qu'elle est. La justice dans ce bled se montre ce qu'elle est. En plus de ça, chez nous, y'a trop de corrompus. T'étonne pas si tu retrouves quelques corrompus. Les forces de l'ordre mènent nos scores, difficile d'égaliser. Vu que leurs crimes seront bientôt légalisés. Garde l'œil, faut pas que tu loupes. Prends ta loupe, ici on tue ceux d'Afrique et de la Guadeloupe. Les refs meurent trop bizarrement. Ici les keufs mettent trop de mise à la menthe. Trop de questions sans réponse dans les clichés. Tout est flou, hein, du bluff, la vie pour trop tricher. Les refs meurent trop bizarrement. Ici les keufs mettent trop de mise à la menthe. De ces bavures font un éclaircir, plus du tiers. Ça commence en JAV, ça finit dans le Zirabia. Car louche, boum comme des mouches sous les balles de l'arnouche. Tout ça faut nous expliquer d'Ardarnouche. Cherchons les raisons véritables de ces bavures, mais on en prend compte vraiment véritable. Ce que je dis c'est pis dans un violon. Dénonce ceux qui font la loi en la violant. Cousin, trop souvent la police dérape. Ça fout la rage de venir perdre la vie en Europe. Dans quoi on vit? Homicide volontairement, faux délit de fuite, bavure commis volontairement. France, tu donnes trop de pouvoir au te respect. Dis but mes frères après tout ça, comment tu veux que je te respecte? Couplet pas assez profond, t'en connais le prix. Dédicace à tous les mecs décédés en son prix. Pour mes frères d'aïe, ça me froisse le cœur tellement qu'il faut qu'on m'explique comment on braque accident tellement. Ça me sidère, dans les postes, le génocidaire. Je représente pour les ex interpellés sous terre. Ça me sidère, dans les postes, le génocidaire. Je représente pour les ex interpellés sous terre. Les refs meurent trop bizarrement. Ici les keufs mettent trop de mise à la menthe, trop de questions sans réponse dans les clichés. Tout est flou, rien du bluff, la liste pour trop tricher. Les refs meurent trop bizarrement. Ici les keufs mettent trop de mise à la menthe. De ces bavures font l'éclaircir, plus du tiers. Ça commence en JAV, ça finit dans les cimetières. Avec la cassette rouge, check Shadow, mes mots. Pour mon pote Nancy, de longue date, son équipe.